En Corée, la première étape du canal d'amener d'eau de la province du Hwanghae du Sud est achevée. Le cours d'eau sans pompage électrique, long d'environ 120 km, permettra d'obtenir une bonne récolte stable sur une dizaine de mille hectares de terre des arrondissements d'Ongjin, de Gangnyeon et d'autres. Le paysage naturel des alentours étant merveilleux, on a résolu suffisamment de l'eau potable et des eaux industrielles de cette région. On peut prévenir également des dégâts causés par les déluges en aval du fleuve Taedong. Ces travaux sont le plan de transformation de la nature de grande envergure dont le général Kim Jong-il a pris l'initiative selon le noble dessein du président Kim Il-sung qui s'est soucié de l'agriculture de la province du Hwanghae du Sud, grenier au littoral ouest.